Je suis allé voir Margot là-bas, San Francisco, où elle est partie sans moi. Depuis tant et tant de mois, mais Margot, la cruelle, c'est mon Dieu, qu'elle est belle, et elle sait que je l'aime, quand bien j'ai pas de poème, j'avais pris sur mon bateau un très gentil matelot qui me faisait du café avec de l'eau de mer salée. Et Margot, la cruelle, c'est combien elle est belle, et elle sait que je l'aime, combien mais j'écris pas de poème, tiens prends ça. Faut pas que tu te laisses aller en allant chez Margot, la voix pleine de sanglots, mais Margot, la cruelle. Elle est belle, et elle sait que je l'aime, quand bien j'écris pas de poème. Je veux pas revenir sans elle, près des feux de La Rochelle. Je suis allé voir Margot là-bas, San Francisco, où elle est partie sans moi depuis tant et tant de mois. Et Margot, la cruelle, c'est mon Dieu, qu'elle est belle, et elle sait que je l'aime, quand bien j'écris pas de poème, mais Margot, la cruelle, c'est bien, elle est belle.